Le sel de la vie, la minute découverte du sel. Il était une fois le sel, un condiment qui sublime le goût depuis la nuit des temps. Pour nous en parler, nous sommes allés à la rencontre de Luc Verne, saunier en Camargue. Au fait, ça consiste en quoi le métier de saunier ? Alors le saunier, c'est la personne qui va aider la nature à faire du sel. La nature, elle sait en faire naturellement. Mais le saunier, par des techniques ancestrales, va faire un peu plus de sel que ce que la nature peut faire toute seule. Et dites-moi, comment obtient-on du sel ? D'abord, il faut bien se dire une chose, c'est qu'on pompe de l'eau en Méditerranée, au mois de février-mars, et ça jusqu'au mois de juillet, où l'eau va par un circuit, un grand circuit, elle va se concentrer avec le mistral, la tramontane et la chaleur, et va nous donner du sel. La récolte en Méditerranée, sur le site d'Aigues Mortes, elle commence mi-août et elle va se finir début septembre. Donc on va remplir ce qu'on appelle les camelles et on conditionne le sel de l'année d'avant parce que ce sel que l'on a récolté, il est très humide. Donc on attend un an pour le conditionner. Il sera conditionné sous forme de boîtes, sacs et tous les petits conditionnements et gros conditionnements. Le sel récolté sur le site d'Aigues Mortes, c'est entre 150 000 et 200 000 tonnes par an pour le gros sel. Et pour la fleur de sel, c'est entre 600 et 900 tonnes par an. Fleur de sel, gros sel, sel fin, découvrez les secrets du sel avec La Baleine, la marque de sel des Français depuis 1934. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site labaleine.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.